Mais d'abord, non. N'ayez pas... Si, crise de panique un peu. Voici Guillaume Rouget. Salut, la joie. Et ça y est, c'est ma dernière chronique en hebdomadaire dans la bande originale. Quoi. L'année prochaine, je serai vraiment moins en présent. Annuel. Tu seras en annuel. Je serai en mensuel. Et je fais toujours le fier, mais je vous promets qu'au fond de moi, vraiment, j'espère que ça va pas trop miner les audiences de la chaîne. Quoi. Vraiment, ce serait trop bête. Il y aura un impact si je peux rien y faire. Il y aura un impact. Quand je suis arrivé à Inter en 2016, on était à 5,5 millions d'auditeurs. Aujourd'hui, on a quasi 7 millions. Ouais. Et limite, j'ai ça avec plaisir, tu vois. Merci, vraiment, c'est avec merci, plaisir. Guy, ce que me disait Laurence Bloch quand je l'ai reçu l'autre jour dans mon boudoir. Elle me disait, Ernesto, ce que vous avez fait à Inter, c'est des centaines d'emplois. Et j'étais là, tu sais quoi, Laurence ? N'en parlons plus. Vraiment, vraiment. C'est vrai, j'ai redressé cette chaîne, j'en redresserai d'autres. C'est même pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens formidables en Leïla. Et il doit y en avoir d'autres. C'est sûr, il y en a d'autres. Je suis certain, il y en a d'autres. C'est parce que je connais pas encore bien. Mais sinon, pour ma dernière, je vous ai amené un truc que je vous ai plus amené depuis longtemps. Quoi ? Un slip propre ? Ah oui ? Non, Daniel. Et il faudra couler un jour cette discussion. Allez, on repousse. D'accord. Mais je vous promets une lessive. Pas tous les jours, Daniel. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Ça va vous faire tellement de bien. De la confiance en vous, peut-être un ami. Non, ce que j'ai amené ce matin, c'est un angle. Ça faisait longtemps. Un angle. Hey, c'est pas ma meilleure saison. Enfin, oui. J'attendais plus. Hein. C'est pas ma meilleure saison sur YouTube en septembre. Je faisais encore 300 000 vues. Tu vois, là, à côté de j'aime et de j'aime pas, ils ont créé un bouton. C'était pas ouf, non. Juste pour avec un pouce perplexe qui est un peu comme ça. Tu vois. Mais bon, mon angle, vous avez vu en Amérique. Ouf. Voilà. C'était mon angle. Mais chaud l'Amérique. J'ai une amie qui m'a dit, je vous promets, j'ai tellement la rage. Elle m'a dit que j'ai envie de tomber enceinte exprès juste pour pouvoir aller là-bas et avorter en place publique avec un cintre. J'étais là, bah, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre avec ton projet, ne fût-ce que pour le visa. Non mais c'est vrai, c'est un délire les États-Unis quand même. Il n'y a pas un moment où une bonne fois pour toutes on va se dire, je crois qu'on s'est un peu trompé de leader du monde quand même. Franchement, c'est pas chouette parce qu'il faut remettre 70 ans d'hégémonie en cause. C'est pas facile comme démarche. Genre par exemple, pendant longtemps mon modèle dans la vie c'était Frédéric Becbédé. Puis un jour je l'ai vu mixer à Biarritz et je me suis dit putain j'ai eu tout faux dans la vie. J'ai fait trop de boutons, il y avait trop de boutons ouverts. Franchement, je crois que c'était Oscar Wilde, donc c'était Jean Rock. Je te jure franchement, et je dis pas, c'est normal qu'il y ait des valeurs différentes entre des pays en fonction des histoires et tout, c'est normal. Tu vois, genre l'Italie par exemple, bah, ils nous voient faire des carbonara avec de la crème et des lardons, ils ont envie de nous jeter des cacahuètes, quoi, tu vois, pour eux on est des bonobos, tu vois. Mais ça reste bon enfant nos divergences. C'est pareil pour l'Allemagne. Genre avec l'Allemagne, j'avoue, historiquement, on n'a pas toujours été d'accord. Clairement, chaque fois, mais c'était temporaire, c'est vrai. Après 15, 20 millions de morts, on se regardait, on se disait, allez, on a été cons quand même, non. Bien, on se rhabille bon chez les Allemands, on disait, quoi, qu'est-ce que t'as dit, on se rhabille quoi. Et on se remettait sur la gueule, tu vois. Mais non, c'était bon enfant. Les États-Unis, c'est différent. Je trouve qu'on a des échelles de valeurs qui se creusent trop, là. Vraiment, ça fait 70 ans qu'on minimise nos différences avec les États-Unis en mode, ah, c'est vrai, ils aiment bien leurs armes à feu. C'est vrai, tu vois. Mais bon, en 44, s'ils avaient débarqué avec des gourdins, ils n'auraient jamais libéré la France, tu vois. C'est vrai. Je fais une parenthèse, on ne remerciera jamais assez la France par rapport à ça. Si vous avez été, putain, si vous étiez un poil plus costaud en 39-45, les Allemands, ils seraient arrivés en Normandie, vous auriez fait, ah merde, vous êtes là, vous. Putain, désolé pour le dérangement, mais ça va. Bon retour, hein, vraiment, ils auraient dominé personne. Les Américains, ils ont débarqué, la France a fait merci de nous avoir sauvés, qu'est-ce qu'on peut vous offrir ? Bah, votre culture. Ah ouais, nous on pensait plus à un café, mais ok. Bon, qui veut voir un Marvel ? Mais donc, du coup, le droit à l'avortement, putain, c'est vraiment le coup de trop, quoi. Enfin, j'espère qu'on va changer de phare mondial. Et j'en propose un. La Belgique, voilà. Oula. On est dispo. Ah ouais, tu vas loin. On a perdu notre place de numéro 1 à la FIFA. On a du temps. On peut aider. Regardez ici à France Inter, on a qu'à dire que c'était un projet pilote. Vraiment, de toute façon, toutes vos grandes personnalités, elles sont toutes belges. Tu vois, Stromae, Simone Veil, Xavier Dupont-Aiglon. Que des gens de chez nous. Xavier, je l'ai bien connu. Il promenait son chien. On ne l'a plus jamais revu. Tu es quelqu'un de discret. Mais enfin, sur les mœurs, on a 10 ans d'avance sur tout. Quoi. L'euthanasie est dépénalisée depuis longtemps. La GPA, la cocaïne dans les écoles. Je veux dire, quand t'es prof et que t'as un coup de mou, t'as 2 grammes en semaine prise par l'État. C'est formidable. C'est ce que me disait Leïla, mais si, j'avais tellement, si j'avais pu enseigner en Belgique, je l'aurais ma pergola. Ouais. Vraiment, c'était... Allez. Bref, c'était mon angle, c'était le dernier de la saison, le dernier en hebdo, et je sens que sur YouTube ça a cliqué. C'était pas ouf. Mais allez, si. Bonnes vacances, allez, bonnes vacances. Et rendez-vous en effet à la rentrée.